Chapitre 2e, Vladivostok, hôtel Villa Arte. Le général Georges Bulganine, en tant que ministre de la Défense, n'était pas mécontent de fouler le sol des îles Kouril pour la première fois. Désireux de parfaire son image de patriote et de rempart de la Russie, ce choix, qui avait causé depuis l'annonce de sa tournée d'inspection un vif émoi au Japon, lui avait déjà assuré avant même son arrivée une augmentation de sa cote de popularité. Ce fut donc heureux et content de lui qu'au terme de son déplacement, il regagna Vladivostok, où l'attendaient son fils aîné Yuri Georgievitch, mais aussi sa maîtresse, la superbe cantatrice Vera Ivanovna Rozanova. À 34 ans et dans l'éclat de sa beauté, elle était sur le point de se retirer. Elle avait donc jeté son dévolu sur le général qu'elle voyait déjà président, se sentant la grandeur d'une première dame. Georges aimait d'ailleurs sincèrement Vera. Il n'excluait pas le divorce d'avec son épouse présente. Dans un avenir proche, il envisageait même l'idée de convoler en juste noces avec la jeune femme qui lui permettrait de s'élever. Mais pour le moment, il fallait surtout continuer à incarner le mal russe, séducteur et protecteur. Il songeait d'ailleurs à cette situation lorsqu'il rentra dans la suite du magnifique hôtel d'inspiration baroque, Villa Arte, qu'avait tout naturellement choisi sa maîtresse. Mais à sa grande surprise, à son arrivée, sa compagne Vera, son fils Yuri, une partie de la délégation qui l'accompagnait, avait déjà quitté les lieux. On lui annonça que deux officiels, en revanche, l'attendaient dans le petit salon attenant à sa chambre. Sa colère fit place à de l'inquiétude. Qu'était-il arrivé? Il ne tremblait pas pour lui. Seul un événement d'une extrême gravité pouvait avoir amené à lui, ici, à l'autre bout du pays, conjointement Vladimir Popov, le directeur du FSB, et Katia Derevko, la responsable du SVR, le service secret du ministère des Affaires étrangères, que Boris Lomakhine avait choisi de rattacher au GRU plutôt qu'au FSB qu'il estimait trop puissant. Il pensa immédiatement qu'il devait être arrivé quelque chose au président. Instinctivement, il se dirigea vers la représentante de l'armée rouge. En s'approchant de Katia Derevko, la cinquantaine séduisante, il s'arrêta net. D'un coup d'œil machinal à l'épaulette, il constata qu'elle était général-major et non plus colonel. Or, c'était sa prérogative de ministre que de signer en personne ce type de promotion. Seul le premier ministre ou le président pouvait les valider sans lui en référer. Homme d'expérience, il repoussa cette pensée angoissante et après avoir fait semblant de se racler la gorge, reprit. « Général Derevko, ravi de vous revoir. Félicitations pour votre promotion. » Katia, surnommée le jet noir, tant pour son rôle d'oiseau guetteur que pour la couleur noire de ses cheveux, ne broncha pas lorsque Bulganine hésita sur son grade, pas plus que lorsqu'il se corrigea. Elle esquissa simplement un sourire accompagné d'un hochement de tête, ponctué d'un salut militaire, et dit « Merci, monsieur le ministre de la Défense. » Le général Bulganine, sans lui rendre son salut, se tordit d'un quart de tour pour tendre la main au directeur du FSB. « Directeur Popov, bonjour. » Là encore, sans laisser le temps de la moindre réponse, il les regarda l'un et l'autre et ajouta « Que me vaut cette visite impromptue du directeur du FSB et de la responsable du SVR ?» Pourquoi êtes-vous là tous les deux? Que se passe-t-il? Voyant que Popov ne répondait pas à la question, Katia prit la parole. La situation politique est grave, indiqua-t-elle. Le deuxième mandat présidentiel de Boris Lomakhine ne se déroule absolument pas comme prévu et plonge le peuple russe dans une profonde détresse. Les derniers sondages sont catastrophiques. 71% de la population accuse le premier président de la Russie d'être le principal responsable des erreurs commises lors de la mise en œuvre des réformes démocratiques. Pire, près d'un Russe sur deux est convaincu que la crise économique est liée au pillage du pays par les cercles du pouvoir et souhaite sa destitution. Vladimir Popov, pour ne pas être en reste, enchaîna. Les attentats qui ont frappé ces derniers mois Moscou, Volgograd, Vladikavkaz ont généré un grand sentiment d'insécurité. Le WCIOM, le Centre russe d'études de l'opinion publique, montre qu'aucune mesure politique ne satisfait le peuple qui ne trouve de réconfort que dans la sphère privée, famille, amis, collègues. Il fit une pause, plongea ses yeux au reflet métallique dans ceux de Georges Bulganine, obligeant le ministre de la Défense à soutenir son regard. Il reprit. Il n'est donc pas étonnant que, noyés dans ce pessimisme ambiant, nos compatriotes attendent un sauveur, une personne capable d'assurer la stabilité et de conduire correctement les affaires de l'État. Le trouble du général Bulganine fut immédiatement perceptible. Ses yeux clignèrent car il luttait pour ne pas se dérober. Ses ménages se mirent à tourner à 100 à l'heure. Un déferlement de questions passait, telle une houle, entre ses deux oreilles. Où veulent-ils en venir? Ils sont là pour me proposer un coup d'État. Ils veulent que je prenne le pouvoir avec leur aide et à leur profit sûrement. Popov sentit ce qui se passait dans le fort intérieur du beau Georges. Après la peur, il venait de lui instiller l'espoir. La douche froide qu'il allait pouvoir lui administrer maintenant n'en serait que plus terrible et efficace. Il continua. Or, pour en avoir parlé en tête à tête avec le président, dans un de ses, comment dirais-je, dans l'un de ses bons moments, il ne voit aucun homme politique russe possédant une forte personnalité et un charisme pour lui succéder. Cet humiliant désaveu qui dégringolait du plus haut sommet de l'État jusqu'à lui, par la bouche de Vladimir Popov, cueillit à froid Bulganine. Il prit cette dernière annonce comme un uppercut au plexus en plein combat de boxe. Il ne savait plus quoi penser, alors il ne pensa plus. En revanche, il percevait très clairement le petit jeu de cette barbouze scélérate de Popov qui usait de tous les moyens pour le déstabiliser. Il décida de ne plus lutter. Il allait le laisser déverser toutes ses informations, ourdir toutes ses manigances. Il finirait bien par conclure et à ce moment-là seulement, sachant à quoi s'en tenir, il pourrait sonner la charge et contre-attaquer à son tour. Vladimir Popov se tut. Katia Derevko sourit. Georges Bulganine demanda « Qu'attendez-vous de moi ?»« Nous savons de sources autorisées, rétorqua Popov, que vous envisagez de vous présenter à la prochaine élection présidentielle. En recevant l'appui du parti agrarien au centre droit, du parti travailliste Trudovic au centre gauche, du Cadet, le parti constitutionnel démocratique, et de l'Union du peuple russe qui soutient Lomakine, votre entrée en lice va porter ombrage à la candidature qui va être retenue. » Bulganine, qui savait que Popov était un fidèle de Oleg Mostovoï, s'exclama. « J'imagine que vous faites allusion au choix porté sur le Premier ministre pour être notre prochain chef d'État. » Le directeur du FSB, l'ancien KGB, précisa. « Jusqu'au mois dernier, c'était la candidature d'Oleg Mostovoï qui répondait au profil d'un successeur idéal tel que le clan Lomakine l'imaginait. D'ailleurs, selon une enquête du VCIOM, le Centre russe d'études de l'opinion publique, les Russes apprécient en lui son honnêteté, sa capacité d'exercer ses fonctions avec rigueur et d'une manière responsable. En d'autres termes, la majorité des Russes le perçoit comme un homme politique qui agit exclusivement dans l'intérêt de l'État, sans chercher à plaire à tout le monde et surtout pas aux dirigeants étrangers. S'il est devenu populaire, c'est parce que la population du pays apprécie sa façon de voir et d'accomplir son rôle. Cependant, la qualité fondamentale attendue du futur président de la Russie lui fait défaut, tout au moins aux yeux de la famille, des oligarques, comme de l'opinion publique. Il manque de fermeté. Il en résulte que, malgré tout le respect qu'inspire Mostovoï à nos compatriotes, il n'est pas perçu comme un leader incontestable pour le pays. Il serait un grand président par temps calme, mais il n'est pas le capitaine qu'il faut pour affronter les ouragans économiques et terroristes qui ont commencé à s'abattre sur nous. Lui-même le sait. Sa carrière politique touche à sa fin et à sa demande, il remettra sa démission le week-end prochain au président. En échange, il recevra son décret de nomination à la tête de la Banque de Russie. Cela lui ouvrira les conseils d'administration des grandes sociétés russes. Bref, lundi matin, vous ne serez plus ministre de la Défense, monsieur le ministre. Dès qu'il apprit que Mostovoï ne serait plus premier ministre, le général réagit. Georges Bulganine, sur un ton à la fois impatient et inquiet, « Vous le dites vous-même, je ne serai plus ministre de la Défense dans quelques jours. Je répète donc, qu'attendez-vous de moi ?» Vladimir Popov, avec doigté. « Vous pouvez légitimement prétendre au secrétariat général du Conseil de sécurité. Dans ce rôle, vous pourrez poursuivre votre plan de restructuration de nos défenses sans avoir à vous préoccuper des échéances électorales. L'armée et le FSB vous aideront face à Glebenko. » Georges Bulganine, marmonnant entre ses dents. « Quoi, le gendre de Lomakine, le mari de Tania, est sur le coup ?» Vladimir Popov, avec calme. « Vous avez l'occasion de faire d'une pierre deux coups, sortir par le haut d'une situation, disons, difficile, tout en vous offrant une petite victoire personnelle sur celui qui a demandé votre tête. » Georges Bulganine, restant maître de lui-même. « Ce poste est lié au président en place. Je sors par le haut, mais dans un an, je me retrouve à poil quand Lomakine plie bagage. C'est un poste éminemment stratégique. Il est peu probable que le nouveau président me maintienne en place. » Vladimir Popov, parlant sans éclat de voix. « Nous sommes en train de travailler sur la restructuration complète de notre appareil militaro-industriel. Depuis la fin de l'URSS, il s'est morcelé, affaibli. Une partie de nos anciens fleurons de l'armement risque d'être frappée d'obsolescence. D'ailleurs, pour certains, c'est déjà le cas, hélas. Il est loin le temps où nos exportations d'armes représentaient la moitié de notre produit national brut et faisaient travailler 14 millions de salariés à travers l'Union. Le prochain Premier ministre vous saisira, en tant que secrétaire général, de cette question. J'ai personnellement été mandaté en ma qualité de directeur du FSB pour planifier la création d'une entreprise fédérale unifiée de l'armement. Via diverses sociétés écrans, nous possédons déjà 80% des entreprises que nous convoitions. Dans l'aéronautique, MiG, Tupolev, Sukhoi et Ilyushin. En balistique et en astronautique, les fabricants de Katyusha et de Scud ainsi que la ferme Kalachnikov. Uralba-Gonzadod pour les blindés, les chantiers navals Sevmash qui produisent nos sous-marins nucléaires de classe boréale pour remplacer nos vieux typhons, nos nouveaux bâtiments de projection et de commandement, les porte-hélicoptères de classe Buron, tout cela est unifié dans une seule structure. Il faudra un président à ce consortium, et ce avant la fin du mandat actuel. Vous serez le président de Rosoboro, cette nouvelle entreprise qui sera le leader mondial du fructueux marché des ventes d'armes. En tant que ministre de la Défense, le général Georges Boulganine voyait parfaitement l'empire industriel que cela représentait. Il mesurait tout cela mieux que quiconque. Il arbora tout à coup une mine réjouie et un large sourire en s'entendant proposer par Vladimir Popov, la présidente de Rosoboro, la nouvelle entreprise, leader mondial du marché des ventes d'armes. « C'est bon, » lança-t-il à Popov, « vous pouvez ranger le bâton, je croque la carotte. » Et joignant le geste à la parole, Gotcha tendit ses deux mains paumes renversées vers Popov et la générale-major des Revko, à la manière d'un maquignon qui voudrait ainsi sceller la vente d'un veau à un commis agricole par un démonstratif topla. La stratégie du directeur du FSB avait marché comme sur des roulettes. Le secret pour lui, ce n'était pas de corrompre les autres, c'était de les payer au-dessus du prix qu'il s'estimait. Au lieu de générer des corrompus, sa méthode faisait des affidés, ce qui était beaucoup plus efficace et plus durable. L'entretien terminé, l'accord scellé, Boulganine demanda à se retirer. Au moment où il quittait le petit salon pour se rendre dans sa chambre attenante, Katia Derevko lui proposa de le ramener dans le jet du GRU qui était à sa disposition. Le ministre de la Défense accepta, il avait retrouvé toute sa superbe. Vladimir Popov était resté dans le salon pour terminer un travail. Gotcha retrouva Katia dans le vestibule. « Attends-nous, général Boulganine, lui dit-elle. Le président Lomakin désire absolument vous parler avant de signer votre décret de nomination. » Très confortablement accoudé à la fenêtre de la suite du magnifique hôtel d'inspiration baroque Villa Arte, où Boulganine logeait, Vladimir Popov observa les deux hauts gradés sortir du palace et gagner la luxueuse Mercedes aux vitres fumées qui allait les ramener à l'aéroport. Sa tâche était accomplie. Un mois après, Georges Boulganine occupait un luxueux hôtel au Kremlin, dans l'aile ouest du palais du Sénat, près de la salle où se réunissait le Conseil de sécurité de Russie. 6 mois plus tard, il avait un bureau dans le gratte-ciel de Moscou City, siège clinquant et ultramoderne du fabricant d'armes Rosoboro. Vladimir Popov, devenu Premier ministre, savait ce qu'il devait à Tania Lomakina pour avoir écarté Boulganine, soutenu par le GRU, de la course à la présidentielle. Elle lui avait ouvert les portes de la Maison-Blanche en suggérant à son père de proposer à Mostovoï, le locataire, un emploi dont il rêvait. Mais Popov était surtout fier, en tant que directeur du FSB, d'avoir empêché un gus de GRU, selon la formule de Lomakin, de prendre la main sur l'appareil d'État. Peu après, sur pression des oligarques, mi-gangsters, mi-businessmen, le Premier ministre assura l'intérim de Lomakin, malade et démissionnaire. Lors de la consultation prévue par la Constitution, Vladimir Popov sortit vainqueur du suffrage populaire en étant élu président de l'État pour les 4 ans suivants.